en ville en un gramme et demi. Faut voir le seul de patron, une autre petite ligne, par une des couilles, une des grosses papons, des marchés, ça aide à se créer des volets. C'est policier qui prend pour gagner le but, il y a le bombe, le but, et tant que l'humour, si on tient des gros, on va des petits lutins, à s'en s'aimer, on regagne le but, y a-t-il une homme, ils ont abandonné la claque, la tabarnaque de matraque. Si rien n'a comme une ordre de yon, si moi je vois qu'ils sont les deux bougés, à travers tu m'en dis, mais me les gants, les dégoûtiers, les méchants, les dames et nuire, les bombes, prends mes grands, respire. Saccager l'appartement, les piles, moi j'y suis pour dire, moi c'est carré extraordinaire, on n'a pas besoin d'annuaire, d'une affaire de stupide, d'un jeu qui va compter les dents. Massacre, battre sans blingue, fait que tu fais espèce de limite, ça s'allie dans l'uniforme, on ne pas les porter les bombes, mais tu es mercenaire, vas-y faire le formulaire avant de te domper, on devant t'arranger d'ailleurs la fin. Dans la loi qui les arrête, de toute façon, le mal est fait, ils sont pas rendus comme un grand gars, c'est un des deux autant. Pour la loi qui les arrête, de toute façon, le mal y est fait. It's time.